c'est que je ralentis le temps. Un signe de vie, mais pas forcément celui d'un vivant. Il paraît qu'il faut séduire, se mettre son prochain dans la poche. Mais vend pas ma peau, j'ai d'autres projets que l'apogée. Au fond, je suis pas sûr d'exister. Ça, c'est tout ce que je sais. On s'en contente, tu sais pas comme je suis content quand je rappe, quand je bouge de scène. Mais ce que t'entends, c'est bad. Pour les lives, c'est dead. Le jour est seul en attendant que les lights s'éteignent. Force à mon sauce, c'est pas le confort mais on zone. Faut que c'est conforme ou pas, je veux pas me conformer aux autres. J'suis peut-être que l'encre d'un mot qu'on comprend pas bien, qu'on épelle. J'suis peut-être que l'âme d'un mort cherchant son chemin vers le ciel. Faut pas me parler para, tu sais que j'aime pas ces parades, pas grave. Jamais je passerai par là, à part, et c'est pas réparable. Si j'suis déjà fou, j'veux pas de vos cachetons, même si l'on me tente. Si j'suis déjà mort, pourquoi me le cache-t-on depuis si longtemps? Bref, pour le reste, je fais pas de compète, je laisse passer. Je veux pas de conquête, je veux faire que la conquête te laisse passer. Je me prends la tête, je tape des alus. Moi, je suis qu'un ange à terre. Je sais même pas si je mate la lune ou juste un lampadaire. En vrai, c'est rare que je m'exprime, non, c'est pas comment. J'aimerais te le dire, mais je sais pas comment. Un signe de vie, si je peux aider avant qu'on m'enterre. Tu sais, j'aimerais aimer, mais je sais pas comment faire. Les faces s'enchaînent, se ressemblent toutes, sans gêne. Je sais pas si j'aime ces chaînes, si j'avance dans le doute. Ouais, t'as que ça, t'es lacune, tu dis si t'es l'un d'eux. Mais accepter la brume, c'est la dissiper un peu. Puisqu'on me demande, devine qui enfante l'homme. Qu'est-ce qu'un signe de vie de la part d'un fantôme? Moi j'en sais rien, je te donne ça, des accords de trois mots. C'est fou de sentir quelque chose si fort avec deux trois notes de piano. Je balade pas là, je pars ailleurs, j'ai vu les bananes. Banal, je marche sur le fil, la vue est pas mal. Ouais, je sais que l'or brille, c'est très bien distillé. Mais les étoiles aussi, je vite le vide en orbite, pas loin d'ici. Non, je pas demi l'envie. Si je parle, c'est qu'un demi-mort. Si je suis qu'un demi-envie, c'est pas grave, je serai qu'un demi-mort. J'écris ça, demi-conscient, oublie, je fais ma part. Mais sache que je dis en musique tout ce que je dis, pas par message. On n'arrête pas la montre, la seule moralité. J'ai pas tué mon monstre, j'apprends à cohabiter. Je laisse aller la plume, un signe de vie en guise de rêve. Quand les mots ne viennent plus, je laisse le silence dire le reste. En vrai, c'est rare que je m'exprime, non, c'est pas comment. J'aimerais te le dire, mais je sais pas comment. Un signe de vie, si je peux t'aider avant qu'on m'enterre. Tu sais, j'aimerais t'aimer, mais je sais pas comment faire. Et je laisse le silence dire le reste.